dans violence. Pas d'une utopie, juste des œuvres qui portent le nom de Gandhi. Mais quelques mots, des mots qui ouvrent ta pensée, des idées existées, personne ne peut te contrôler. Tu as une rage, tu es sans être aimé, tu es sans être aimé. Quel amour peut te tromper? Non, non, non, non, non, non. Tu as du courage, viens sur la lâcheté, c'est elle qui veut t'acheter. La vérité va gagner. Enfin, élégance humaine, je te vois banni. Jamais merci, mais j'ouvre les yeux, parle-moi un peu. Si tu me désarmes, c'est ton âme, car quelques mots, des mots qui ouvrent. See you. Merci beaucoup.